الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on va continuer à partir de l'endroit où on a laissé au dernier cours. Donc hier, je m'excuse, hier j'ai pas pu faire le dars malheureusement. Donc on va reprendre là où on a laissé avant hier. Donc aujourd'hui c'est le cours 4. Dans le tafsir de Surat Az-Zumar. Donc on a laissé au verset 16, donc on va relire à partir du verset 15 ou le verset 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Naam, donc on s'arrête ici, verset 21, on va essayer de traduire ou plutôt d'expliquer la signification des sens de ces versets qu'on vient de lire maintenant. Donc le cheikh l'imam al-Sa'di, il explique à partir du verset 16. ثم ذكر شدة ما يحصل لهم من الشقاء فقال لهم من فوقهم ظلل من النار أي قطع عذاب كالسحاب العظيم ومن تحتهم ظلال. Donc le cheikh explique, il dit, puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné que ceux qui sont les plus grands perdants et qui sont ceux qui se sont perdus, qui ont perdu leur âme, qui ont fait en sorte que eux-mêmes méritent le châtiment et ils ont amené leur âme vers la perdition, de même que celle de leur famille au jour de la résurrection. Et donc il mentionne Allah subhanahu wa ta'ala ensuite que ça c'est la plus grande des perditions, la perdition évidente, la perte évidente. Et ensuite il mentionne donc la sévérité du châtiment qui va leur arriver et comment ils vont être, à quel point ils vont être malheureux dans l'au-delà par rapport à ça. Et donc il mentionne, il dit لهم من فوقهم ظلال, c'est-à-dire ils auront au-dessus d'eux des couches de feu. Ici, c'est traduit dans la traduction en français comme étant des couches de feu. Donc, ils auront au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu. Le cheikh, il explique, il dit, c'est comme des morceaux de châtiment qui sont comparables à des nuages, comme des grands nuages. C'est comme des morceaux de châtiment, comme des gros nuages qui sont au-dessus d'eux et en dessous d'eux également. وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ et des couches au-dessous d'eux également. ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ. Voilà ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala fait craindre ses serviteurs, ou menace, ce dont Allah menace ses serviteurs. Ô mes serviteurs, alors craignez-moi. Le Cheikh Sa'di, il explique, il dit, ذَلِكَ الْوَصْفُ ذلك يعني الوصف الذي وصفنا به عذاب أهل النار صوت يسوق الله به عباده إلى رحمته صوت يسوق الله به إلى رحمته يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون أي جعل ما أعده لأهل الشقاء من العذاب داعيا يدعو عباده إلى التقوى وزاجرا عما يوجب العذاب فسبحان من رحم عباده في كل شيء وسهل لهم الطرق الموصلة إليه وسهل لهم الطرق الموصلة إليه وحثهم على سلوكها ورغبهم بكل مرغب تشتاق له النفوس وتطمئن له القلوب وحذرهم من العمل لغيره غاية التحذير وذكر لهم الأسباب الزاجرة عن تركه. Donc le cheikh ici Al-Sa'di il explique que ceci, c'est-à-dire la description par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le châtiment des gens de l'enfer, c'est un fouet par lequel Allah subhanahu wa ta'ala oriente ou amène ses serviteurs vers sa miséricorde. C'est-à-dire que, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà ce dont Allah menace ses esclaves, ses serviteurs. Et le cheikh explique, il dit, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce qu'il a établi comme menace et comme préparation pour les gens pour les gens du malheur et les gens de la malédiction, les gens du châtiment, il a fait de ça quelque chose qui est utilisé pour appeler les serviteurs d'Allah à la piété. C'est-à-dire qu'en mentionnant le châtiment des gens de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala utilise ça pour que ses serviteurs qui craignent et qui ont la foi et qui ont la piété s'écartent de ce châtiment-là et se dirigent vers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur faisant peur par la mention justement de ce grand châtiment qui est mentionné. Et donc le cheikh il dit, donc gloire à Allah, celui qui a fait miséricorde à ses serviteurs par toutes choses et qui leur a facilité les voies qui amènent vers cette miséricorde et qui les a encouragés à emprunter cette voie qui les amène vers la miséricorde et qui les a encouragés par toutes sortes de moyens qui les incitent et qui les encouragent et qui les fait aimer les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a préparées pour les âmes. Et donc le résultat de ça, c'est que les âmes ont le désir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les croyants et ils ont la tranquillité de leur cœur et et la paix de leur cœur par rapport à ça, et il les a mis en garde et il les a avertis également contre le fait d'agir contre le fait d'agir pour autre que lui. Et il les a avertis à ce sujet-là d'une façon très sévère. Allah subhanahu wa ta'ala a averti de façon très sévère de faire des œuvres pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala et d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a mentionné donc les causes qui nous amèneront à abandonner yani, toute association avec Allah et toute action qui est faite pour autre que lui, dans les mentions, les exemples des châtiments qu'il a préparés pour les gens yani, de l'enfer. Donc tout ça c'est pour inciter les gens à s'écarter du haram. Non. Ensuite, le verset suivant, les versets 17 et 18, يعني la mention de ces versets-là, وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Donc le Cheikh Saadi il explique ça, hein, les versets 17 et 18. Et ceux qui s'écartent du tarout, c'est-à-dire de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'écartent du tarout pour ne pas les adorer, tandis qu'ils reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. Ceux qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés, et ce sont eux les doués d'intelligence. Donc, Cheikh Saadi, il explique ça en disant que ceux qui se sont écartés, il dit, لما ذكر حال المجرمين ذكر حال المنيبين وثوابهم فقال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها والمراد بالطاغوت في هذا الموضع عبادة غير الله فاجتنبوها في عبادتها وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم العليم لأن المدح إنما يتناول المجتنب لها في عبادتها. Donc ici le cheikh explique que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a terminé de mentionner l'état des criminels et comment ils vont être châtiés, il mentionne maintenant l'état des gens qui se sont repentis à Allah et quelle sera leur récompense. Hein? Donc toujours Allah subhanahu wa ta'ala il nous met toujours entre la crainte et l'espoir. Hein? Toujours entre la crainte et l'espoir pour qu'on soit dans l'équilibre et dans la justice, dans la justesse et pas dans l'extrémisme. Et le cheikh il dit donc وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ, il explique le verset وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا, c'est-à-dire que yani ceux qui se sont écartés du tarout, se sont écartés de l'adoration du tarout. Le cheikh explique, il dit que le tarout dans le contexte de ce verset signifie ici l'adoration d'autre que Allah. Donc c'est-à-dire que ceux qui se sont écartés d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, ça c'est le cheikh dit, c'est la meilleure façon d'expliquer yani pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a préparé yani cette récompense et de qui il va écarter le châtiment. Et ça c'est yani de la part du sage et de l'omniscient, celui qui a la connaissance de toutes choses. Et il glorifie uniquement ceux qui s'écartent de l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'adorent pas le tarout. L'imam Ibn Kathir, il explique à propos de ce verset que c'était révélé à propos de Zayd ibn Amr, ibn Nufayl et Abi Dhar et à propos de Salman al-Farisi radiyallahu anhum. Et ça, c'est rapporté selon Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam, selon son père. Et il dit ensuite, وَالصَّحِيح أَنَّهَا شَامِلَةٌ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ مِمَّنْ اجْتَنَبَ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ وَأَنَابَ إِلَى عِبَادَةِ الرَّحْمَنِ فَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Donc, le cheikh explique que la position correcte, c'est que ce verset-là comprend ces sahaba et d'autres également, tous ceux qui se sont écartés de l'adoration des idoles et qui se sont tournés vers l'adoration de Ar-Rahman, c'est-à-dire l'adoration d'Allah. Donc ceux-là sont ceux qui auront la bonne nouvelle dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc ça c'est pour dire yani que c'est pas spécifique à ceux pour qui ce verset-là a été révélé par rapport à cet exemple. Qu'est-ce qui est rapporté ici? Que c'est général. Toute personne qui s'est écartée du ta'arut et de l'adoration d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Ensuite, le Cheikh il dit, na'am, wa anabu ila Allah. الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. C'est-à-dire et qui se sont retournés vers Allah, ils se sont écartés du taghut pour ne pas l'adorer et ils sont revenus repentants à Allah. Ils sont revenus repentants à Allah. Le Cheikh il dit, il a entendu ce qu'il revient à Allah. فبشر عباد. Après, donc, الذين وأنابوا إلى الله بعبادته وإخلاص الدين له فانصرفت دواعيهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلام ومن الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعات. Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont revenus à Allah, ici Allah dit وأنابوا. أنابوا, c'est ici au pluriel, dans le sens que qui sont revenus, ça vient de al-inaba. Al-inaba, c'est pour dire le fait de revenir à Allah en repentance. Et on a expliqué déjà dans d'autres cours, quand on a parlé par exemple dans sur le Salah, on a expliqué la signification de al-inaba et que ça ressemble à at-tawba, c'est-à-dire la repentance, sauf que al-inaba, les ulama disent qu'il y a quelque chose de plus. Dans Al-Inaba, certains ulama ont mentionné que Al-Inaba, ça veut dire quand la personne se repent à Allah et qu'elle devient meilleure que ce qu'elle était auparavant. Hein? Donc ça, c'est un exemple. Ici. Et il dit, wa anabu ila Allah. C'est-à-dire, ils sont revenus vers Allah. Ils sont revenus à son adoration. Et à purifier leur religion pour lui seul. Et se sont détournés de toutes les de toutes les formes d'adoration des idoles. Hein, ils ont quitté l'adoration des idoles et ils se sont tournés uniquement vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Malik al-Allam. Hein, donc al-Malik c'est le roi, al-Allam c'est celui qui a la connaissance de toutes choses. Et ils se sont détournés également du shirk et des péchés pour se tourner vers le tawhid, l'unification d'Allah dans l'adoration, et pour se tourner vers les actes d'obéissance, hein, at-ta'at. Ensuite, le résultat de ça, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala mentionne fabashir ibad, fabashir, non, lahumul bushra, fabashir ibad, c'est le verset suivant, lahumul bushra, donc ils auront, c'est pas le verset suivant, c'est la suite du verset. Donc, لهم البشرى فبشر عباد. لهم البشرى, le Cheikh il dit, التي يقادر قدرها, التي لا يقدر قدرها ولا يعلم وصفها إلا من أكرمهم بها. وهذا شامل للبشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن والرؤيا الصالحة والعناية الربانية من الله التي يرون من خلالها أنه مريد لإكرامهم في الدنيا والآخرة ولهم البشرى في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي القيامة وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم من دوام رضوانه وبره وإحسانه وحلول أمانته في الجنة. Donc le Cheikh il explique, il dit, ils auront al-bushra, lahum al-bushra, c'est-à-dire annonce-leur, ils auront à eux la bonne nouvelle, c'est-à-dire ils auront la bonne nouvelle. Et cette nouvelle, personne ne peut l'estimer ou connaître sa juste valeur. Et personne ne peut connaître sa description, excepté celui qui va la donner par sa générosité, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui connaît la description complète du paradis et qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qui est préparé pour les croyants, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le Cheikh il dit que ça comprend et ça inclut la bonne nouvelle qui est donnée aux croyants dans la vie d'ici-bas, du fait qu'ils sont glorifiés d'une belle façon et qu'ils ont des bonnes visions. Ils voient ils ont des visions pieuses, et aussi qu'ils sont ils ont de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala une attention particulière. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne sa protection divine. Et par celle-là, ils voient. Donc, par cela, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu leur faire générosité, leur faire part de sa générosité dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et ils auront la bonne récompense et la bonne nouvelle dans l'au-delà, au moment de leur mort, dans leur tombe, au jour de la résurrection. Et la conclusion de cette bonne nouvelle, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a annoncé comme bonne nouvelle, qu'ils seront éternellement et continuellement dans sa grâce et dans son agrément et dans son bienfait, et qu'ils vont être dans la sécurité du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner sa sécurité dans le paradis. Donc c'est ça, Al-Bushra, la bonne nouvelle. Et le Cheikh, il mentionne ensuite le verset suivant, le verset 18, Fabashir Ibad, donc à la suite du verset, alors annonce la bonne nouvelle à mon serviteur, Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Le Cheikh explique, Cheikh Sa'di, il dit, Lamma akhbara anna lahum al-Bushra, أمره الله ببشارتهم أمره الله ببشارتهم وذكر الوصف الذي استحقوا به البشارة فقالوا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الذين يستمعون القول وهذا جنس يشمل كل قول فهم يستمعون جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي إثاره مما ينبغي اجتنابه فلهذا من حزمهم وعقلهم أنهم يتبعون أحسنه وأحسنه على الإطلاق كلام الله وكلام رسوله كما قال في هذه السورة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية. نعم, donc le cheikh il explique que il explique que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné quelle sera la bonne nouvelle qu'ils vont recevoir, en quoi ça consiste, il mentionne ensuite les descriptions de ceux qui ont mérité cette bonne annonce, et il ordonne à son messager de faire la bonne annonce et la bonne nouvelle à ceux qui ont cette description là et il les décrit dans le verset en disant, alors annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs, ceux qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ceux qui prêtent l'oreille, qui prêtent l'oreille à la parole et qui suivent ce qu'elle contient de meilleur. Le cheikh, il explique, il dit ça, c'est une catégorie, ou plutôt une sorte qui comprend toutes les paroles de bien, et eux, ils écoutent la parole et ils distinguent dans cette parole ce qu'ils doivent préférer, ce qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent prendre comme dans le sens de s'en écarter. Donc ils ne prennent pas toute parole, ils prennent uniquement la parole du bien et les choses dont ils doivent s'écarter, ils s'en écartent, et ça fait partie de leur intelligence et de la raison que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée. Ils ne suivent que ce qu'il y a de bon dans la parole. Et le cheikh, il explique, il dit que la meilleure parole, de façon absolue, et au-dessus de tout, c'est la parole d'Allah et la parole de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le meilleur de la parole. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne plus loin, dans cette même sourate, lorsqu'il dit Allah nazzala ahsan al-hadith, c'est-à-dire que Allah fait descendre le plus beau des récits, un livre dont les versets se ressemblent et se répètent. C'est le verset 23 qu'on va expliquer et qu'on va lire plus loin, inshallah. Donc, na'am. Ensuite, le cheikh il dit wa fi hadhihi al-aya nuktatun wa hiya annaha lamma akhbara an ha'ula al-mamduhin annahum yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ka'annahu qila hal min tariqin ila ma'rifati ahsanihi hatta nattasifa bi sifati uli al-albab hatta na'rif أن من آثاره علمنا أنه من أولي الألباب قيل نعم أحسنه ما نص الله عليه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية. Donc ici il y a un point ici un point bénéfique qu'on peut mentionner au sujet de cette sourate ou de cette ayah en particulier, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à propos de ceux qui sont glorifiés ici, ceux qui écoutent la parole et qui en suivent ce qu'elle contient de meilleur, c'est comme si lorsque on a donné la description de ces gens-là qui ont été glorifiés et qui écoutent la parole et qui suivent ce qu'elle contient de meilleur, c'est comme si on avait dit, est-ce qu'il y a un moyen de savoir ou de connaître quel est le meilleur de cette parole qu'on doit suivre, pour qu'on puisse avoir cette caractéristique-là, parmi les gens qui ont la raison et qui réfléchissent, et donc pour qu'on puisse connaître, par rapport à la connaissance à cette connaissance-là, on pourra savoir donc qui sont les gens qui ont la raison et qui sont les gens qui réfléchissent et qui sont intelligents. Et donc, on leur a répondu oui. Et la meilleure parole, c'est ici, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 23 qui suit un peu plus loin. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله لأحسن الأخلاق والأعمال وأولئك هم أولو الألباب أي العقول الزاكية. Donc le cheikh explique le verset suivant, le même verset, mais qu'est-ce qu'il dit après? Ceux qui écoutent la parole et qui suivent ce qu'elle contient de meilleur, ceux-là sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a guidés, ceux-là sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a guidés, et ceux-là sont ceux qui sont doués d'intelligence. Le cheikh il dit, ceux que Allah a guidés au meilleur des comportements et au meilleur des œuvres, des bonnes œuvres, et ceux-là sont ceux qui sont doués d'intelligence. Le cheikh il dit, c'est-à-dire de la raison qui a été purifiée. De la raison qui a été purifiée, de l'intelligence purifiée. Il explique, il dit وَمِنْ لُبِّهِمْ وَحَزْمِهِمْ أَنَّهُمْ عَرَفُوا الْحَسَنَ مِنْ غَيْرِهِ وَآثَرُوا مَا يَنْبَغِي إِثَارَهُ عَلَى مَا سِوَاهُ وَهَذَا عَلَامَةُ الْعَقْلِ بَلْ لَا عَلَامَةٌ لِلْعَقْلِ سِوَى ذَلِكَ فَإِنَّ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ بين الأقوال حسنها وقبيحها ليس من أهل العقول الصحيحة أو الذي يميز ولكن غلبت شهوته عقله فبقي عقله تابعا لشهوته فلم يؤثر الأحسن كان ناقص العقل. Donc le cheikh explique et il dit, c'est-à-dire que parmi les exemples qui montrent leur intelligence et leur raison, c'est qu'ils ont su ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, et ils ont préféré et choisi suivre ce qui est bon plutôt que le reste, et ça c'est un des signes de leur intelligence et de leur raison. Et il y a même qu'on peut dire qu'il n'y a pas de signe de l'intelligence autre que celui-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre signe de l'intelligence meilleur que celui-là ou plus grand que celui-là. Parce que celui qui ne distingue pas entre les bonnes et les mauvaises paroles, les paroles qui sont belles et les paroles qui sont laides, les paroles qui sont bonnes et les paroles qui sont mauvaises, eh bien, il ne fait pas partie des gens qui ont une raison qui est correcte et bonne et authentique. Ou bien celui qui a une distinction, c'est-à-dire il arrive à distinguer entre le bien et le mal, et entre qu'est-ce qui est bon comme parole et qu'est-ce qui est mauvais comme parole, sauf que sa passion a pris le dessus sur sa raison. Alors, sa raison devient comme si elle est toujours à la suite et à la poursuite de ses passions. Sa raison suit ses passions. Et donc, celui-là n'a pas choisi, à cause de ça, ce qui est le meilleur. Et donc, sa raison, elle est limitée et diminuée à cause de ça. Ensuite, le cheikh, il explique le verset 19 et 20. Donc, on va lire ça, il dit... أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Donc le verset 19 et 20. Le cheikh, il explique donc ce verset-là. Ces versets signifient « Eh bien quoi ? Celui contre qui s'avère le décret du châtiment, est-ce que tu sauves celui qui est dans le feu ? Mais ceux qui auront craint leur Seigneur auront pour demeure des étages au paradis, au-dessus desquels d'autres étages sont construits et sous lesquels coulent les rivières, promesses d'Allah. » Allah ne manque pas à sa promesse. Donc, Cheikh, il explique ce verset. Il dit, « Ey, فَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ بِاسْتِمْرَارِهِ عَلَى غَيِّهِ وَعِنَادِهِ وَكُفْرِهِ فَإِنَّهُ الْعَاحِلَةَ لَكَ فِي هِدَايَتِهِ وَلَا تَقْدِرُ تُنْقِذْ مَنْ فِي النَّارِ لَا مَحَالَةِ وَلَكِنَ الْغِنَى كُلَّ الْغِنَى وَالْفَوْزُ كُلَّ الْفَوْزِ للمتقين الذين أعد لهم من الكرامة وأنواع النعيم ما لا يقادر قدره. Donc le cheikh il explique que ce verset signifie que celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a décrété le châtiment, eh bien celui-là, si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour lui ce châtiment-là, qu'il va persister dans son égarement et dans sa transgression de façon obstinée et dans sa mécréance, celui-là, il n'y a rien que tu peux faire pour lui, il n'y a pas un moyen de le guider. Celui pour qui Allah a décrété le châtiment, il n'y a rien que tu pourras faire pour le guider. Et tu ne seras pas capable de le sauver de l'enfer, celui qui a été destiné pour celle-ci. Mais la richesse et le succès appartient aux gens pieux, ceux pour qui Allah a préparé la demeure de sa générosité et de toutes ses grâces, et qu'on ne peut même pas estimer tellement elle est grande. Et il dit وَلَهُمْ غُرَفٌ لَهُمْ غُرَفٌ أي مَنَازِلْ عَالِيَةٌ لَهُمْ غُرَفٌ, c'est-à-dire ils auront comme ici c'est mentionné des étages, et bien ils auront des degrés, le cheikh dit ils auront des degrés élevés, لَهُمْ مَنَازِلْ, ils ont des demeures élevées, مُزَخْرَفَ مِنْ حُسْنِهَا وَبَهَائِهَا وَصَفَائِهَا أَنَّهُ يُرَى ظَاهِرُهَا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها وعلوها وارتفاعها أنها ومن علوها وارتفاعها أنها ترى كما يرى الكوكب الغابر في الأفق الشرقي أو الغربي ولهذا قال من فوقها غرف أي بعضها فوق بعض مبنية يعني يذهب يعني بذهب وفضة وملاطها المسك الأذفر تجري من تحتها الأنهار. Donc le cheikh il explique, il dit qu'ils auront donc des demeures qui sont élevées et enjolivées et embellies, décorées de toutes sortes de belles choses et qui sont des demeures qui sont très belles, qui sont purifiées et qui sont éclatantes de leur beauté. On peut voir l'intérieur par de l'extérieur et l'extérieur de l'intérieur. Donc, on peut voir l'extérieur de l'intérieur et l'intérieur de l'extérieur. Et elles sont tellement élevées que quand on les regarde, on les voit comme si c'était un astre à l'horizon. Hein? Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'elles seront superposées les unes par-dessus les autres et qu'elles seront construites comme avec de l'or et de l'argent et que le ciment entre entre ces pierres ce sera le musc comme du musc. تجري من تحتها الأنهار المتدفقة المسقية للبساتين الزاهرة والأشجار الطاهرة فتغل بأنواع الثمار اللذيذة والفاكهة النضيجة. Donc, et sous lesquels coulent les ruisseaux. C'est-à-dire qu'il y aura des ruisseaux qui vont couler en dessous, qui vont abreuver les jardins qui sont remplis de fleurs et d'arbres purs et qui vont faire pousser des fruits délicieux et des fruits mûrs. وعد الله لا يخلف الله الميعاد وقد وعد المتقين هذا الثواب فلا بد من الوفاء به فليوفوا بخصال التقوى وليوفيهم أجورهم. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait cette promesse et il ne va pas manquer à sa promesse et il a promis aux pieux cette récompense et donc c'est quelque chose qui est garanti et il faut qu'ils respectent leur engagement pour que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne cette promesse hein, qu'il a promis aux gens pieux et qu'ils respectent les caractéristiques de la piété pour pouvoir avoir leur récompense pleinement. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on va s'arrêter ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.